Les métronomes, futuristique. Boum. T'inquiète. Quoi qu'il arrive, c'est le bordel. Bordel équation. Et ce temps. Boum. T'inquiète, on est sur le chemin de la guerre. Fait l'effet d'un narcotique aphrodisiaque. Si j'en croise que disent les billages. Bref, Nubi maîtrise et dévoile ses atouts. Méprise les règles, va au bout de ses rêves et brise les tabous. Et si le terrain est praticable, on reste infatigable. Déroute les groupes avec des rimes infalsifiables. Ma phrase est fiable au niveau technique. Je veux l'estime de mon ethnie, le prestige en tant que MC. J'envahis la planète comme Fatalis. Et cherche pas ma piste, suis l'odeur de cannabis. Parce que je serai toujours devant. Je brille dès le réveil, tel le soleil levant. Bien plus libre que le vent, j'ai pas de bagage. Et y'a pas de barrage sur ma route. Secteur A ou pas, j'assure, j'ajoute que j'ai les cartes en main. Qu'un flush, t'aimerais bien que je bluffe, mais c'est vrai. Plein de lust, un slang neuf en effet. Poco blâme, les bugotops savent que c'est pour les dom-toms que Chrono donne ça. Mon rap c'est un cri de guerre, une prière pour ce cas-là. Une dédicace pour mes sons, Stasmala et tous les autres. Tant mieux si ça marche, Inch'Allah. J'ai tellement la scarlatitude dans ma tête que je brise l'asphalte. T'as le virus, quel que soit ton signe astral. Paris brûle et t'attrape la rage comme quoi t'apprends ta femme civile. J'articule chaque mot, chaud comme la canicule. Avec une touche d'espoir, même quand t'as pas d'issue. J'ai le groove, à chaque mesure tu sais ce que j'éprouve. Sincère dans mon art de rue, même si j'ai pas de revenus. Je me présente QROO et je dis merde ONE. Il faut s'entraider, mais explique ça aux négros. On éclate les statistiques, ils enquêtent à la balistique. Toi ton flag garde pour suspect qu'on y vit participe. Futuristique, on a dit. Futuristique, bordel. Nubi Chrono.